Tu m'as déçu, chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza, mon amour. Eh ben, mamie, eh ben, yé. Tu m'as déçu, chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza, mon amour. bakalanga nandimi nandimi asala na mikosaka namokili yoyo confiance ezalite nakopanga motema kota boti na yo bana mami tu m'as dessus chouchou je suis resté ignoble.